19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus. Nous sommes le 1er octobre, il ne fait pas très chaud, c'est clair, mais bon, je pense que ces 2 heures de métal en fusion vont réchauffer l'atmosphère et vos esgourdes. Et croyez-moi, si vous restez encore un peu de cérumen après 2 heures de métal, je crois que je peux pas grand-chose pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous attend ce soir? Bien sûr, petit retour sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines et aussi quelques nouveautés qui seront au nombre de 4. Il y aura bien évidemment 2 hommages à ces 2 très grands musiciens qui étaient Cliff Burton et John Bonham. Donc, voilà un petit peu... un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir. Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, le super groupe Category 7. Tout nouveau groupe, mais par contre composé vraiment de vétérans de la scène métal qui ont quand même un sacré background. John Bush au chant d'Armored Saint, ex-Anthrax. On y trouve Phil Demmel, ex-Violence et Machine Head, actuellement le deuxième guitariste qui est avec Kerry King. Mike Orlando, qui a longtemps joué avec Mike Portnoy au Saint Adrian Mob. On y trouve également Jack Gibson, qui est ni plus ni moins que le bassiste d'Exodus, et Jason Bittner, qui est le batteur de Overkill. C'est vrai qu'avec des gens comme ça, on se doute que ça va pas être de la bluette pour enfants, que ça va envoyer du lourd, et c'est clair que cet album éponyme le fait vraiment. Vous avez pu le constater la semaine dernière, et là, ça va le confirmer avec ce morceau qui s'intitule White Flags and Bayonets. We'll be right back. Bon, vous aurez reconnu, j'imagine, sans difficulté, le classique de Metallica, Damage Incorporated, extrait donc du fabuleux Master of Puppets qui était sorti en 1986. Et bien ça, c'est donc en hommage à Cliff Burton, qui fut le super bassiste de Metallica et qui nous a quittés le 27 septembre 86, il y a un peu plus de 38 ans maintenant. Donc voilà, en hommage, c'était l'hommage pour ce grand monsieur. Juste avant, Category 7 et son album éponyme, la sortie cet été, c'était White Flags and Bayonets. Et bien maintenant, on va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec un live des Damned, un de plus dans leur grande carrière, mais un live un peu particulier puisque celui-ci a été fait pour leur 45 ans de carrière, qui normalement aurait dû avoir lieu en 2021, mais bon, Covid oblige, ça a été repoussé d'une année, où le groupe avait donc décidé de se reformer sous sa formation d'origine. Chose qui n'était pas arrivée depuis la fin des années 70. Donc, les quatre compères ont fait une tournée basée donc principalement sur le premier album, joué dans son intégralité, le mythique Damn Damn Damned, et une bonne partie de titres du deuxième album et aussi quelques petites raretés. Donc ce live vraiment Destroy, il est sorti bon en vinyle, en CD et en édition limitée. Pour l'instant, c'est la seule qu'on trouve double CD avec DVD. Donc sur les CD, ça contient donc deux concerts, celui de Manchester du 3 novembre et celui de Birmingham du 5. Bon, alors les titres sont identiques d'un concert à l'autre. La seule chose qui change, c'est l'ordre de certains morceaux, tout simplement. Et le DVD, celui du concert de Manchester. Et croyez-moi, si vous trouvez que les Damned, bah, c'est un groupe de vieux ramollis, bah, là, ils nous montrent que, bah, ils sont Destroy et que, quand on regarde le final où Ratzkabiz fout le feu à sa batterie et que Captain Sensible brise sa basse et que ça se termine en Larsen, là, non. Croyez-moi, les petits jeunes pourraient en rabattre. Donc, extrait de ce live de sortie, il y a de ça, peut-être 15 jours, 3 semaines, en tout cas, c'est intitulé 80-2022. On va se faire deux petits brûlots. Tout d'abord, I Feel Alright, la reprise des Stooges qui figurait sur le mythique premier album, Damn, Damn, Damned. Yeah. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Destroy. Deux dames dès leur dernier live, 80-20-22, enregistré à Manchester au mois de novembre 2022 pour leur tournée des 45 ans d'existence avec le line-up d'origine. Alors c'est vrai que si vous regardez le DVD, vous allez voir que Brian James et Raz Kabiz, ils font vraiment petit papy, mais vous avez vu, vous avez entendu plutôt, ça envoie, hein? Donc c'était You Take My Money et la reprise des Stooges à Feel Alright, donc tous deux extraits de cet excellent live, et c'était également la première nouveauté de la soirée. Bah tiens, puisqu'on parlait de reprise, là on va s'en refaire une aussi, avec Last Temptation. On va revenir au nouvel album de Last Temptation que je vous ai déjà présenté il y a déjà quelques semaines. Leur troisième, qui s'appelle Earth Starter, et sur cet album très rock 70s, eh ben il y a une reprise qui peut paraître incongru au premier abord, c'est le fameux Born to Be Alive de Patrick Hernandez, et oui, le grand classique disco, donc repris à la sauce rock. Mais enfin, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais à l'origine, ce morceau était vraiment un morceau rock'n'roll. Oui, parce qu'il y a quelques années auparavant, vers le milieu des années 70, la première version que Patrick Hernandez en avait fait, c'était un morceau rock. Mais celui-ci n'avait pas du tout marché. Et quand le disco avait marché, c'est ça que son producteur y avait dit, bah écoute, faisons une version disco. Et c'est un peu la mort dans l'âme qu'il l'avait fait en disant, après tout, j'ai rien à perdre. Et en fin de compte, non, au contraire, il a tout à gagner, parce que je crois que toute sa fortune, il l'a acquis grâce à ce titre, qui continue, je crois, de lui rapporter quelque chose comme 2 à 3 000 euros par jour, plus de 45 ans après la sortie de ce morceau, et sans compter tout ce qu'il a amassé avant. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se dire, putain, que j'aimerais faire un tube comme ça, et me la couler douce jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, bref. Donc, je pense que la version de Last Temptation doit peut-être être assez proche de la version d'origine. Enfin, bref. Wait and see. Enfin, toujours est-il que, ça sonne bien quand même, le Born to Be Alive version rock par Last Temptation. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Grand classique de Led Zeppelin, extrait de l'album Houses of the Holy, sorti en 1973. Mais là, c'est une version alternative, un mix de travail qui figure sur le CD bonus de la réédition de cet album qui était sorti en 2014. Là. Juste avant Led Zeppelin, bah, c'était Last Temptation avec sa reprise de Patrick Hernandez, Born to be Alive, extrait de Heartstarter. Et avouez que bah, ça le fait quand même, hein, en rock aussi. Hein. J'aimerais bien entendre vraiment la version, la première version que de Patrick Hernandez. Peut-être qu'elle se rapproche de ça, comme je disais. À suivre. Eh bien, maintenant, si vous voulez bien, on va se faire. Donc, Sam Ozzy Ocean, c'était donc un hommage à John Bonham, qui fut donc le batteur de Led Zeppelin, le très respecté batteur de Led Zeppelin, qui nous a quitté le 25 septembre 1980. Et vous savez que pour la petite histoire, le son de John Bonham, c'est le son le plus samplé en matière de percu pour les rappeurs américains. Comme quoi, hein. Allez, maintenant passons à quelque chose de plus métal. D'ailleurs, le nom du groupe, et le nom métal, il est dans le nom du groupe, avec Metal Church. On va revenir à leur live, The Final Sermon, Live in Japan 2019. Sorti cet été donc en hommage à Mike Howe, leur chanteur mythique. Et on va se faire un petit extrait de ce live qui était à l'origine sur le dernier album studio que le Metal Church avait sorti à l'époque, qui s'appelait Damn If You. Et là, c'est donc le morceau By the Numbers qu'on va s'envoyer tout de suite maintenant. We'll be right back. métal avec second couteau de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pantang, mais toujours là avec toutes ces années, comme vous le constatez sur son dernier live, Lifeblood, sorti cet été. C'était Fire on the Horizon, qui à l'origine donc figurait sur leur dernier album studio, Bloodlines, qui montre que le temps n'a pas de prise sur eux non plus. Juste avant, Metal Church, légende aussi du metal, avec son dernier live, The Final Sermon Live in Japan 2019, c'était le morceau By Numbers. N'oubliez pas qu'il est 19h41 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock, le magazine métal, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On va se faire la deuxième nouveauté avec un groupe dont le nom ne trahit pas du tout leur origine, puisque le nom du groupe, c'est Loco Muerte. Ce nom vous dira quelque chose, j'imagine, parce qu'on entend souvent parler dans la presse musicale. Et Loco Muerte, malgré leur nom, et non, c'est pas un gang qui nous vient de Venice Beach, ils sont originaires d'Île-de-France, ils existent depuis 2009, et là ils viennent de nous sortir leur quatrième album qui s'appelle Parano Booster. Alors musicalement, quand on voit le look déjà, on voit les influences avec leur bandana, c'est vrai qu'ils ressemblent vraiment, à un gang de Californie. Et musicalement, on est entre le hardcore, ce qu'on appelait le crossover à l'époque. On pense à des groupes comme, Madball, Suicidal Tendencies, Dog Eat Dog, plein de choses comme ça. Enfin, bref, c'est peut-être pas le groupe le plus original de la Terre, mais en tout cas, la poudre, ils savent la faire parler, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte sur ce morceau de cet album qui s'appelle Pura Violencia. Et oui, chanté en espagnol, vraiment, on s'y croirait vraiment, on croirait vraiment un groupe chicanos. Allez, on le découvre ça tout de suite. La única necesidad de su tristeza, magia. Zero Rats, c'était donc les Marseillais de Rats Don't Sink avec leur dernier album Abandon Ship. Juste avant, Loco Muerte avec le morceau Pura Vulio y Lancia, extrait de Parano Booster, qui est leur dernier album, et également donc la deuxième nouveauté donc d'Electric Shock. De Marseille maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour à Chambéry avec un groupe pareil, Loco Muerte, on les croirait sortis d'un film de Tarantino, d'un groupe Chicanos. Et là, pourtant, le groupe vient de Savoie et on aurait pu croire qu'ils viennent plutôt de Californie. Shay and Shiners, donc le EP que je vous ai présenté la semaine dernière, mélange de rock 70s avec une chanteuse influencée par Janis Joplin. C'est clair que c'est du tout bon. Et croyez-moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un des coups de cœur d'Electric Shock pour cet automne. J'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait que 5 titres, parce que vraiment, il y aurait un album complet, j'aurais été aux anges. Ouais, ça, vous me connaissez. C'est mon côté chicaneur et jamais content. Et ouais, je le reconnais, je suis comme ça. Voilà. Bon. En attendant, on va se contenter de ces 5 titres fabuleux qu'il y a sur ce Let's Get Mad, comme par exemple ce Last Night Was a Better Night. was a better night. Last night was a better night. Aerosmith, je pense que vous avez reconnu tout de suite, ça fait du bien de réentendre ça. Earth Don't Time, extrait de l'album Permanent Vacation, sorti en 1987. Permanent Vacation, c'est l'album qui leur a permis d'ailleurs de revenir au top après des années d'errance. Et Aerosmith, maintenant qu'on peut dire, ça y est que c'est fini, parce que bon, leur tournée déjà c'était leur tournée d'adieu, et je crois que les problèmes de santé de Steven Tyler ont fait que depuis un an, il n'y a plus rien. Même s'ils disent qu'ils feront quelques concerts, etc. Moi, j'y crois pas trop. Enfin, toujours est-il que Aerosmith, c'est un groupe qui a marqué son temps et le rock, c'est clair. Juste avant, eh bien, vous comprenez pourquoi c'est un de mes coups de cœur pour cet automne. Les Savoyards de Shea & Shiner, c'est leur premier EP, Let's Get Mad, c'était Last Night Was a Better Night. Puisqu'on parlait de groupe vétéran avec Aerosmith, eh ben on va rester encore avec aussi des vieux de la vieille, avec Blue Oyster Cult, qui nous ont ressorti un nouveau live là, il y a quelques semaines déjà, pour leurs 50 ans de leur premier album. Et ils en ont profité de faire 3 soirées donc exceptionnelles dans un petit club de New York où ils ont enregistré en live leurs 3 premiers albums, les plus mythiques, les plus heavy en même temps. On a eu le premier album qui nous était sorti en fin d'année dernière. Là. Ce deuxième volet est sorti là cet été, donc c'est le 50th Anniversary Live in New York Second Night, où on a l'intégralité donc de l'album Tyranny and Mutation qui était sorti initialement en 1973, et puis bien sûr d'autres titres et puis quelques raretés aussi. Donc on va se faire un morceau, c'est pas des classiques de cet album, c'est un morceau un peu méconnu. Par exemple, on ne pense pas souvent à ce titre-là quand on pense à Tyranny and Mutation, parce que si vous pensez à cet album, vous pensez à Red and Black, Quicklime Girl, ouais, mais Teen Archer, je pense pas que vous y auriez pensé. Remarquez, moi non plus. Allez, on s'en voit. no light shining through the window as Margaret lay in her bed. She was wearing her cotton pajamas, a crucifix above her head. She woke from a dream, her eyes were open, her lips were moving in the dark. You speak to me in many voices, make them all sound like one. Let me see your sacred mysteries. Live it to me in no tone. Reveal to me the unknown tongue. She put her hands upon her breasts, and they were small and hard and young. And everywhere she touched, she felt the fire, waiting for the answer that must surely come. Is this the way to love, or is this just the way to die? To me in many voices, make them all sound like one. Let me see your sacred mystery. Reveal to me the unknown tongue. Reveal to me the unknown tongue. Yeah! She took her father's razor and watched it cut into her palm. She put her hand up to her mouth to taste the blood so holy and warm. And she got up in the morning, put on her dress and patent leather shoes. They ate her cereal and kissed her mother. Got the bus and went to school. You speak to me in many voices, make them all sound like one. Let me see your sacred mysteries. Reveal to me the unknown tongue. Reveal to me the unknown tongue. Reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, reveal to me, Tongue et Teen Archer, deux morceaux rarement joués par Blue Oyster Cult, mais là c'était l'occasion lors de ce 50th Anniversary Live in New York Second Night, qu'on peut trouver donc en double CD plus DVD ou Blu-ray, qui est donc sorti cet été. Bon, maintenant à attendre, je pense que d'ici quelques mois on aura la troisième soirée, donc à suivre. Et bien maintenant on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec de la série. Faisons du neuf avec du vieux. On va se faire un peu de black metal. Ben, on va se repasser à Orlac, le groupe de black metal à Orlac. Oui, qui a ressorti ses albums, son triptyque basé sur les vents. Et Donc, ces albums étaient introuvables, donc on va se les repasser, parce que bon, après tout, ça peut être une découverte, une redécouverte, voire une découverte aussi pour certains d'entre vous, et la possibilité donc de se procurer ces joyaux du black metal pour tous ceux qui aiment le style. Donc, la semaine dernière, c'était À la croisée des vents que je vous ai présenté. Là, on va faire un petit tour à l'album La cité des vents qui était sorti en 2010, et on va se faire une petite douceur s'intitulant La comptine du drac. La comptine du drac. Ce petit moment de douceur vous était offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'était le groupe de black metal à Orlac avec la réédition de son album La Cité des Vents qui initialement était sorti donc en 2010 mais qui vient de ressortir parce qu'à l'époque c'était sorti vraiment sous un tout petit label. Donc c'était donc la troisième nouveau en même de la soirée pour Electric Shock. Et bah tiens, on va revenir aussi à un groupe revenu d'entre les morts, c'est Skid Row. Skid Row, après des années d'errance, est revenu en pleine forme en 2022. Il faut dire que là, ils avaient vraiment un chanteur digne de ce nom avec Erik Grönvall, ancien transfuge du groupe suédois HIT. Ils nous avaient fait un album somptueux qui s'appelait The Gang's All's Here, où on croyait vraiment le groupe revenu à ses années de gloire, genre Slave to the Grind et le premier album éponyme. Seulement, malheureusement, des ennuis de santé ont poussé Erik Grönvall à quitter la formation américaine. Depuis, le groupe est en attente de chanteurs ou de chanteuses à suivre. Enfin, toujours est-il que bon, ils ont quand même sorti enfin leur premier live enregistré à Londres, sorti en CD-DVD, où on peut se rendre compte que vraiment Erik Grönvall était... Pourquoi je dis était est, parce qu'il est toujours vivant. Un chanteur vraiment hors pair et un frontman vraiment fabuleux, qui n'a pas grand-chose à envier à Sébastien Bach, c'est pour dire. Et que bon, bien sûr, si la setlist était quand même axée principalement sur les deux albums mythiques de Skid Row, eh bien The Gang's All Here était représenté également, d'ailleurs, avec le titre éponyme. Et le titre éponyme de cet album en live, eh ben, ça donne ça. Gang's All Here, yeah! Show me what you got! Yeah. Avec Riot Act, un classique extrait à l'origine de Slave to the Grind, et juste avant The Gang's All Here, qui était extrait donc à l'époque de leur dernier album qui était sorti en 2012. Et ces deux extraits sont extraits du Live in London, pack CD-DVD, sorti récemment et enregistré à Londres en 2022. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe particulier d'avant-garde qui s'appelle My Own Private Alaska, qui existe déjà depuis quelques années. Alors, ils ont eu un beau succès au Hellfest en 2022, ainsi qu'au Motocultor. Alors, c'est un groupe, on peut dire, un mélange de screamo, de classique, de plein de choses, puisque, en fin de compte, c'est un groupe un peu particulier. Déjà, les musiciens sont assis, il n'y a pas de guitare, il y a un piano, une voix, une batterie. Par contre, ça déménage malgré tout. Vous allez pouvoir en juger tout de suite avec un extrait de cet album All the Lights On, dont il y a de très bonnes chroniques. En tout cas, ça sort de l'ordinaire, ça c'est sûr. Extrait de cet album, K.O.R.A. I saw the pictures, they called reality. They were in black and white and sand leaves up on me. The colors turned up, I don't know why. But I don't want to, the body wants to die. Die again one another day. Be as loud as you can. remember that was not written on their foreheads. It was not written on their foreheads. They had a choice to make a better history. Today there's a fact that they don't referee. I don't see any words on your face. I don't want any flag for this race. I don't know why we should have to die again. Original, n'est-ce pas? Comme quoi on peut être puissant, vraiment avoir un son qui arrache, sans pour ça avoir fait une guitare électrique, un piano, ça peut le faire. C'était donc la dernière nouveauté de la soirée, My Own Private Alaska et son nouvel album All the Lights On sortirait vendredi et c'était Kaora. Tiens, parlons de concert. Tiens, demain, si je sais qu'il reste encore des places, si vous avez envie d'aller voir la légende Alice Cooper qui sera au Zénith à Paris en compagnie de Doro, bah dépêchez-vous, je pense que ça peut le faire. Si vous avez jamais vu cette légende du rock, croyez-moi, c'est un spectacle aussi bien visuel que sonore. Et on en prend vraiment plein les yeux, surtout lors de la décapitation, enfin plein de choses comme ça. Et bah pour se mettre un petit peu dans cette ambiance, ce soir, on va revenir au dernier live d'Alice Cooper qui était sorti en 2018 et enregistré déjà chez nous à Paris, à l'Olympia, qui s'intitulait « A Paranormal Evening with Alice Cooper at the Olympia Paris », déjà donc tout un programme. Et on va se faire un classique, « The Ballad of Dwight Fry », vous savez, c'est le morceau où il a la camisole de force juste au moment où il s'échappe et il étrangle l'infirmière. Enfin bref, si vous connaissez le spectacle, vous voyez de quoi je veux parler. Allez, on s'envoie ce petit classique de cette légende. Thank you. I Love the Dead et Ballad of Dry Fry, donc deux classiques d'Alice Cooper, là, qui s'était extrait du dernier live enregistré à Paris, Paranormal Evening with Alice Cooper at the Olympia Paris. Ben voilà un petit aperçu donc de ce qui vous attendra si vous allez voir Alice Cooper demain au Zénith à Paris en compagnie de la chanteuse Doro. Tiens, puisqu'on parle de concert, mardi prochain, toujours au Zénith, Arch Enemy fera son grand retour scénique accompagné de In Flames, une tournée en côté d'affiche où ils seront en première partie de... Oui, il y aura, pardon, en première partie, putain, je raconte n'importe quoi, Soilwork, ça, croyez-moi, ça va démager. Pareil, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est un extrait de leur dernier live sorti en 2017, As the Stages Burn, et on va se faire le classique Ravenous. Queens avec son classique Only for the Week. C'était extrait du live Sounds from the Earth of Gothenburg qui était sorti en 2016. Et juste avant, vous avez eu Arch Enemy avec leur, pareil, son classique de Ravenous qui lui est extrait du live As the Stages Burns qui était sorti lui en 2017. Et pourquoi est-ce qu'on a passé In Flames Arch Enemy? Parce qu'ils seront en concert à Paris au Zénith la semaine mardi prochain. Bah tiens, on va revenir maintenant à Marseille avec le groupe de mélange de hardcore, de punk, de grunge M.A.T.W. Me Against the World. Et on va revenir sur l'album donc Endless Loop avec Madness. MEP Free O-City, oui je sais, c'est le titre barbare de Intrusive Foods, extrait donc de l'album Dysphorie qu'on vient de se faire à l'instant. Avant Intrusive Foods, c'était M-A-T-W, Me Against the World, avec Madness, extrait de l'album Endless Loop. Il nous reste très peu de temps, mais tiens, pour finir l'émission, on va revenir à Asyl Empire, qui nous a délivré un excellent concert au Dropkick vendredi soir. Donc on va se faire un extrait, non pas du dernier album, mais de l'album précédent, Number 4, qui était pas mal non plus. Et on va terminer l'émission avec Sex, Drugs and Scars. Sex, Drugs and Scars, extrait de Number 4 d'Asyl Empire. C'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de ce rendez-vous du métal. Et ben donc, on se retrouve la semaine prochaine pour, bien sûr, d'autres nouveautés. Restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. La musique continue. Là, pour les amis Nightclubbers, Electro Live va commencer. On va voir avec l'ami Christophe qu'est-ce qu'il a à nous proposer ce soir. Salut! Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer donc, Zami Nightclubber, ouais, ce soir, c'est House et Tech House, donc on plein dans mon registre. Quarantaine de titres Tech House et une quarantaine de House, avec une vingtaine de nouveautés. Voilà. Avant d'attaquer un repos la semaine prochaine, pas d'émission la semaine prochaine. Donc voilà, profitez-en bien ce soir. C'est ça. Voilà. Et la semaine d'après, peut-être un peu plus techno, quoi. Voilà, donc si ça vous a pas mis l'eau à la bouche, là je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Donc restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Yes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.